premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire, dernière semaine d'ailleurs pour cette saison avant la grille d'été consacrée à l'histoire de l'imprimerie, 40 ans après la grande grève du journal Le Parisien et alors que vient de se réouvrir à Lyon le musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Cette semaine, nous allons donc vous parler d'imprimerie et de l'imprimerie et de son histoire. Demain, nous traiterons de la grève du journal Le Parisien à partir de 1975, du musée de l'imprimerie à Lyon mercredi, des libelles et des mazarinades, ça sera jeudi. Et ce matin, en deuxième partie de cette émission, de la pratique de l'imprimerie à l'époque moderne avec l'historien Roger Chartier qui vient de publier chez Folio Gallimard « La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur ». Roger Chartier, que précédera d'ailleurs dans un instant un de ses grands amis, l'historien Carlo Ginzburg, qui vient de donner à son invitation, quatre conférences au Collège de France sur la longue durée à la loupe. Carlo Ginzburg, Roger Chartier, voilà donc l'ouverture de cette dernière semaine de programme pour cette saison. Carlo Ginzburg, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à la Fabrique de l'Histoire juste après la conclusion de votre série de quatre leçons au Collège de France qui ont passionné un public large et qui vont peut-être intéresser encore plus le public de la Fabrique de l'Histoire parce que vous y avez abordé un massif, comme on dit, un massif montagneux un peu difficile à aborder, à savoir la question de la longue durée et de la longue durée vue par Fernand Braudel. Et vous nous avez expliqué dans ces quatre conférences combien cette longue durée vous intéressait, mais combien vous la voyez de façon différente que la façon dont Fernand Braudel a abordé cette question de la longue durée. Vous avez fait référence à Marc Bloch. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vous intéresser à cette notion de longue durée, virgule, c'était le titre de ces conférences, à la loupe? Oui. Alors, bon, j'avais lu le grand article de Fernand Braudel lorsque il a été publié dans les Annales. J'étais étudiant et ça m'a marqué, a marqué tout le monde, tous ceux qui s'intéressaient à l'histoire et qui s'intéressent à l'histoire. Au même temps, bon, j'ai commencé à travailler sur Bloch et j'ai lu aussi son grand article sur les moulins à eau. L'idée de, disons, opposer les deux modèles, c'est une idée qui m'est venue tout d'un coup. J'étais au Mexique. Enfin, j'avais été invité au Guatemala pour l'inauguration d'une chaire intitulée à Marc Bloch. Et j'avais un texte qui portait sur tout à fait autre chose. Mais je suis arrivé à Ciudad de México le jour des morts. Alors, je savais, évidemment, j'avais vu des photos, etc. Mais, disons, voir tous ces gens qui se promenaient déguisés en squelette, ça m'a frappé énormément. Et alors, tout d'un coup, j'ai pensé, oui, on pourrait, disons, repenser l'idée de longue durée lancée par Fernand Braudel en proposant deux études de cas. L'Europe et le Mexique, soit pré-hispanique, soit le Mexique colonisé par les Espagnols. Et bon, alors j'ai commencé à travailler là-dessus. Mais disons, j'ai appris des choses, pas seulement concernant le sujet, mais aussi des choses concernant mon attitude cachée et inconsciente qui s'est rattachée à ce sujet. C'est-à-dire que, évidemment, l'inconscient existe même pour les historiens. Et il faut l'écouter, disons, mais pas trop vite. C'est-à-dire que l'inconscient doit travailler en profondeur. Et qu'est-ce qui vous rattachait à ces sujets, justement? Alors, bon, je pense que d'un côté, il y a ce problème de la longue durée et l'idée que on peut aller au-delà de ce que Fernand Braudel a fait, c'est-à-dire qu'il a imposé cette notion de longue durée, mais à mon avis, les côtés analytiques dans le travail de Braudel sur la longue durée n'étaient pas évidents. Tandis que chez Bloch, il y avait un côté expérimental et analytique. Dans quel sens? Bloch commence avec les moulins à eau dans l'Antiquité Et il dit, il y a un silence documentaire à peu près absolu qui dure 1000 ans. Alors, ça a été contesté. En fait, j'ai eu des discussions passionnantes. Un chercheur de Paris 1 qui s'appelle Benoît Rossignol, qui est un archéologue en histoire romaine et en histoire médiévale. Oui. Et qui vous a dit, oui, mais Marc Bloch écrit ça il y a 70 ans, 80 ans. Et aujourd'hui, l'historiographie montre qu'il n'y a pas eu ce silence des moulins à eau pendant toute cette durée. Mais néanmoins, vous avez insisté en disant, peut-être Marc Bloch se trompe-t-il quand il dit les moulins à eau existent à la fin de l'époque romaine, disparaissent pendant 1000 ans et réapparaissent au XIIe siècle dans l'Europe médiévale. Peut-être se trompe-t-il, mais néanmoins, ça me permet de réfléchir, dites-vous, Carl Wiensbourg. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a là un problème d'ordre général. Un modèle peut survivre à la réfutation des données empiriques qui sont sur lesquelles les modèles se basent. Alors l'idée de, disons, s'inspirer à l'essai de Marc Bloch pour travailler sur le squelette, c'était pas évidente. Mais j'ai dit bon, il y a des analogies. Dans quel sens? Il y a un élément naturel dans les modèles de Bloch. Il y a l'eau. Il y a un élément culturel, c'est-à-dire les roues du moulin. Dans le cas du squelette, il y a un élément naturel parce que, disons, le squelette, c'est quelque chose que, disons, l'animal humain partage avec les autres espèces vertébrées. Mais il y a aussi un élément culturel, c'est-à-dire la représentation du squelette. Alors, c'est une analogie, mais en plus, il y a cet élément qui m'est fasciné, c'est-à-dire l'idée que s'il y a rupture, on peut analyser à la loupe, en principe, la façon dans laquelle les phénomènes de longue durée résurgissent. C'était ça l'idée. Et dans le cas du squelette, en Europe, je pense que ce silence existe. Alors, rappelons que dans vos leçons au Collège de France, vous expliquez combien le squelette existe dans des textes romains et des images de la Rome classique. Oui. Disparaît cette représentation du squelette pendant un certain temps pour réapparaître au cœur du Moyen-Âge, plutôt d'ailleurs, dites-vous, que ce qu'on imagine habituellement, c'est-à-dire plutôt vers le XIIe siècle que vers la fin du Moyen-Âge. Et qu'il y a donc un silence de la représentation de ces squelettes dans l'Europe occidentale et que vous tentez d'analyser ce silence. Et surtout, cette résurgence est-elle chargée du même sens que lorsque les Romains païens de l'Empire romain représentaient des squelettes semblables, mais presque 1000 ans plus tôt. Oui, c'est-à-dire que le contexte change, et évidemment le contexte est affecté en profondeur par le christianisme. Et là, disons, l'hypothèse que j'ai lancée, c'est que il y a ce texte capital dans la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, chapitre 15, où saint Paul lance ce mot ironique, sarcastique, « Mort, où est ta victoire ?» Et ça, c'est lié évidemment à l'idée que le Christ a vaincu la mort. Il y aura résurrection pour les fidèles. Alors, mon hypothèse, c'est que ce texte, qui est vraiment au cœur de, disons, la nouvelle religion, ce texte a joué, disons, pour bloquer les représentations du squelette. La représentation de la mort et du squelette. Mais après 1000 ans, on voit le même texte qui joue un rôle tout à fait opposé, dans le sens que il y a, disons, un manuscrit malheureusement perdu, mais qui survit à travers des copies faites au XIXe siècle, où on voit le Christ, et au pied de la croix, il y a le squelette d'Adam. Alors ça, c'est rattaché d'une façon précise et spécifique au texte de saint Paul, où, disons, le vieil Adam et le dernier Adam, c'est-à-dire le Christ, sont opposés. Alors, Adam, à travers les péchés, a introduit la mort dans le monde, tandis que le Christ a, disons, à travers sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort. Alors, Il y a ce manuscrit splendide, Hortus del Chiarum, qui a été malheureusement détruit. Dans un incendie. La cathédrale par de les Prussiens. Il a été conservé à la bibliothèque de Strasbourg. Il a été brûlé en 1870. Mais ce manuscrit a inspiré une représentation très semblable qui se trouve dans le portail de la cathédrale de Strasbourg. On est toujours en Alsace. Et je trouve que cette rupture est tout à fait capitale, dans le sens que, disons, le thème de la danse macabre, le triomphe de la mort, etc., c'est quelque chose qui présuppose cette rupture. Et ensuite, il y a ce déferlement d'images. Ce flot d'images, dites-vous. Oui. Qui vont représenter dans tout le reste du Moyen-Âge ces questions de cadavres et de squelettes qui marchent. Oui. À la conclusion de ma deuxième leçon, j'ai montré cette fresque remarquable d'un élève de Giotto qui se trouve à Assisi dans l'église inférieure, où il y a, la mort avec une couronne représentée en tant que squelette et à côté d'elle, à côté de la mort, on voit Saint François, mais représenté comme le Christ, Alter Christus, c'est l'image du Christ, avec, la blessure, etc., etc. Et là, on voit qu'il y a eu ce renouvellement de l'Église en profondeur, et c'est Saint François qui a vaincu la mort comme le Christ l'avait fait. Disons que... évidemment, le thème du macabre, le rôle joué par le macabre dans le Moyen-Âge est très connu, mais j'ai essayé de l'aborder dans une perspective nouvelle, dans le sens que la chronologie porte sur une période antérieure. Alors, vous avez fait également ce travail pour la question des squelettes, mais des squelettes dans le Nouveau Monde, ce qu'on appelait le Nouveau Monde, c'est-à-dire du côté du Mexique. Représentation des squelettes avant l'arrivée du colonisateur espagnol, représentation du squelette après. Et vous travaillez tout au long de ces quatre leçons, Carlo Ginzburg, sur cette notion que vous ne voulez pas aussi trancher de continuité et de discontinuité. Vous dites, tout compte fait, cela nous empêche de penser en termes de continuité, de discontinuité. Il faut réfléchir au-delà. Comme vous voulez réfléchir au-delà de la longue durée de Fernand Braudel, vous voulez réfléchir au-delà de cette thématique de la continuité, discontinuité. Oui, c'est-à-dire que, à mon avis, l'idée d'opposer continuité et discontinuité n'a pas de sens. Évidemment, il y a les deux. Mais, il y a une richesse méthodologique dans l'idée de discontinuité. Lorsque on voit qu'il y a discontinuité, c'est le côté expérimental qui avait été souligné par Bloch. Et là, je pense que, on peut analyser des phénomènes de longue période en utilisant les instruments de la microhistoire. Parce que justement, la microhistoire, le préfixe micro, je le répète toujours, n'est pas lié aux dimensions symboliques ou réelles de l'objet, mais au microscope. C'est-à-dire l'idée de regarder de près, d'une façon analytique, un objet quelconque. Ce qui est tout à fait frappant dans cette série de conférences que vous avez données au Collège de France, Carlo Ginzburg, c'est que vous travaillez sur la survie des corps dans l'au-delà, puisque c'est question de squelette, traite de la question de l'au-delà, de la survie après la mort, etc. Et que vous travaillez sur la question de la survie d'hypothèses historiques ou historiographiques. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'histoire de l'historiographie, c'est-à-dire que essayer de montrer dans quel contexte Braudel a commencé à réfléchir sur cette idée de longue durée, etc. Mais en même temps, j'aime beaucoup une idée, d'expériment qui se rattache un peu à un jeu. Un jeu qui n'est pas frivole, c'est-à-dire que évidemment l'enjeu est très sérieux. Dans ce cas, on parle de la mort, mais de la survie, si vous voulez, l'idée du survie, etc. Mais il y a cet élément de jeu, c'est-à-dire que il faut essayer de construire des expériments Il faut choisir, il faut lancer des hypothèses et il faut essayer de les vérifier, évidemment. Mais cette idée, disons, d'histoire expérimentale, c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps. Ce qu'on appelle la micro-histoire a été pour moi, disons, une façon de repenser l'idée de généralisation. C'est ce qui est très important, c'est les deux mots que vous venez de prononcer successivement et plusieurs fois, Carlo Ginzburg, le mot de jeu et le mot de choix. Parce que à partir de ce mot de choix et de choisir, c'est presque une façon de penser l'histoire et de penser la manière de pratiquer l'histoire. Vous dites aux historiens, certes la connaissance peut être encyclopédique, certes on peut tout savoir d'un sujet, mais ce qui est important, c'est le choix que vous allez faire dans les sources qui sont les vôtres, la façon dont vous allez les assemblées. Et il y a là une part, vous évoquiez tout à l'heure la question de l'inconscient, de la psychanalyse, il y a là aussi une part de ce jeu psychanalytique qui fait que l'on met des objets qui a priori ne se parlent pas et qu'on les fait parler, Carlo Ginzburg. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, j'ai parlé une fois de ce sentiment d'euphorie qui se rattache à l'ignorance. Alors, évidemment, l'ignorance n'est pas un but. Il s'agit d'un début. Surtout quand vous parlez, vous-même, parce que vous n'êtes évidemment pas ignorant du tout. Non. Mais en fait, l'idée de, c'est-à-dire l'expérience d'aborder un sujet sur lequel je ne sais rien, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Et en fait, je cherche des situations de ce genre-là. Est-ce que ça laisse une part, Carlo Ginzburg, à ce que naturellement, on appelle dans d'autres disciplines l'intuition. Oui, les mots, oui et non. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut dire que il y a intuition, mais il s'agit d'une récapitulation de quelque chose que parfois on sait à un niveau inconscient. Et ensuite, il faut essayer d'apprendre, de travailler, et d'éprouver. Alors, ce mot preuve, c'est un mot que j'ai utilisé. Qui est central dans votre travail. Eh oui. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai été engagé pendant des années, contre une idée, disons, néo-sceptique, ou, disons, d'histoire, où la preuve n'avait aucun rôle. Alors, contre cette idée, j'ai insisté sur le fait que la preuve existe et que, en fait, lorsqu'on parlait de rhétorique et histoire, on oubliait que la rhétorique, à partir d'Aristote, à travers Quintilien, Lorenzo Valla, etc., impliquait l'épreuve au pluriel. L'idée d'opposer rhétorique et preuve, c'est une idée moderne, anti-aristotélicienne, c'est Nietzsche et ses disciples. Tandis que je pense que les historiens doivent s'inspirer à cette tradition qui commence avec Aristote pour nous, où justement on parle des preuves à plusieurs niveaux. Et comme d'ailleurs les preuves, c'est le terme employé par les partisans de Dreyfus, dans l'affaire Dreyfus, pour pouvoir prouver l'innocence de Dreyfus. Exactement. Les preuves, ça n'est Exactement. Pas pour rien qu'on utilise ce terme-là. Exactement. C'est-à-dire que, évidemment, il y a affrontement politique, etc. Mais à ce niveau-là, on pourrait dire que, disons, il y a des vérités préalables. Il n'y a pas de vérité qu'on peut prouver et même convaincre, les gens qui pensaient que Dreyfus était coupable. Tandis que lorsqu'on se place sur les terrains des preuves, là, on peut dire, écoutez les Bortreaux, etc., etc. Alors, ce travail ne va pas sans une part de jeu, parce qu'on voit une certaine malice, même quand vous intervenez justement au Collège de France, dans votre œil, dans votre façon de développer votre argumentation, parce que vous aimez perdre vos auditeurs pour les retrouver plus loin, pour d'une certaine façon suivre presque les méandres de votre propre cerveau. C'est-à-dire qu'on vous voit nous emmener quelque part et on se dit mais où va-t-il nous emmener? oui. Est-ce une impasse? Et ça n'est jamais une impasse parce que vous retrouvez plus loin, peut-être la leçon suivante ou deux leçons plus tard, le chemin que vous aviez emprunté. Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'aime beaucoup partager avec mes auditeurs et mes lecteurs le travail de la recherche. Voilà. Le processus de la recherche. C'est-à-dire que c'est l'idée, c'est pas seulement de partager des résultats, mais de partager les parcours, les processus. Pourquoi est-ce si important, cela, Carlo Ginzburg? C'est pour mettre le lecteur ou l'auditeur dans le coup, comme on dit, ou pour lui permettre de mieux comprendre, d'apprécier justement le chemin intellectuel qui conduit à un résultat? Parce que je pense que, disons, la richesse intellectuelle du travail de l'historien, de tout travail de recherche, c'est quelque chose qui implique la possibilité de se tromper. Alors là, il y a une leçon, à mon avis, qui est politique au sens large. Surtout dans une ère qui est la nôtre aujourd'hui, d'un certain soupçon vis-à-vis du savoir et de la connaissance, de sa construction, une ère de complot ou de complotisme qui se répand un peu partout par l'intermédiaire des réseaux sociaux et de l'Internet, et qui, d'une certaine façon, demande à chaque fois à la personne qui dit quelque chose comment il a construit ou il a construit le résultat qui est le sien, Carlo Ginzburg. Oui, c'est-à-dire que, alors, vous avez parlé d'Internet. Il y a là une richesse énorme et il y a tout, c'est-à-dire ordures, mensonges, il y a tout. Et alors, le problème, c'est vraiment, et j'ai eu ce sentiment en parlant avec les étudiants, c'est-à-dire qu'il faut, apprendre à utiliser Internet d'une façon disons terre à terre, c'est-à-dire en montrant que on peut utiliser Internet pas seulement pour disons vérifier des connaissances préalables, trouver des réponses à des questions, mais aussi pour découvrir quelque chose que était tout à fait inconnu par nous et insoupçonné. Alors ça, je le trouve fascinant. C'est-à-dire que, alors je suis tout à fait pour, mais évidemment, il faut apprendre. Je me rappelle que j'avais eu une conversation il y a longtemps et quelqu'un a dit, Internet c'est démocratique. Et je dis, ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, il y a, si vous voulez, on pourrait dire que le message d'Internet est, ceux qui ont, auront. C'est les mots, disons, politically incorrect du Christ. Parce que Internet renforce, à mon avis, même s'il met à disposition des richesses extraordinaires, pour pouvoir les utiliser, il faut avoir des moyens. Et alors, on pourrait dire que ça renforce les inégalités qui existent. Mais il faut essayer de surmonter ça, apprendre à utiliser Internet. Et à mon avis, ça, c'est vraiment, disons, un enjeu politique réel. Et à propos d'enjeux politiques, vous disiez donc qu'il vous fallait montrer le processus de votre pensée, accepter l'idée même de vous être trompé. Oui. Et vous pensez que c'est en cela, justement, que vos lecteurs apprécient votre travail, c'est-à-dire que vous ouvrez non pas la boîte à outils, vous ouvrez le chemin que vous avez pris, les chemins que vous avez empruntés pour pouvoir nous conduire là où vous voulez nous emmener et à votre démonstration. Oui, en fait, j'ai essayé de faire ça, soit dans mes livres ou dans mes essais, bien soit, sûr, disons, dans mes conférences. Alors, je vois bien que ça complique les jeux, c'est-à-dire que la communication devient plus compliquée. Mais si vous voulez, le problème c'est de prendre le public au sérieux. Oui. Ça, on est d'accord. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Eh oui. C'est-à-dire que ce que je déteste, c'est l'attitude, disons, paternaliste, etc. Non. Alors il faut prendre le public au sérieux et il faut, disons, engager le public dans ce jeu sérieux qui est le jeu de la recherche. Alors ce jeu de la recherche vous conduit d'ailleurs dans ses conférences au Collège de France à faire des clins d'œil. Alors on voit bien les clins d'œil post-mortem que vous faites à Marc Bloch, les clins d'œil lointains et un peu plus distants à Lucien Febvre ou à d'autres que vous citez tout au long de ces conférences. Et puis il y a le clin d'œil à celui qui vous a invité, c'est-à-dire que vous concluez votre série de conférences sur un cas déjà étudié par Roger Chartier lui-même, qui est une nouvelle de Borges. Donc, vous utilisez cette nouvelle de Borges pour clore votre propos, tout en rendant hommage à votre ami qui est à côté de vous. Et ça, c'est tout à fait satisfaisant, c'est amusant, c'est de la malice intellectuelle, pourrait-on dire, Carlo Ginzburg. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors je pensais à renverser le lieu commun, et j'ai dit, en parlant des squelettes, et du fait que, disons, les squelettes dans un contexte colonial, avait une signification qui était différente par rapport, disons, soit au squelette européen, soit au squelette, disons, avant la conquête. Et alors j'ai dit, oui, il y a des squelettes partout, mais plus c'est la même chose, plus ça change. Et alors à ce moment-là, j'ai abordé ce texte qui me fascine depuis longtemps, c'est-à-dire ce texte sur la réécriture du Don Quichotte, qui a été écrit par Borges et qui a été étudié récemment par Roger Chartier. C'est-à-dire que là, la même phrase, le même passage de Don Quichotte a été réécrit, soi-disant, par un personnage fictif, Pierre Ménard, et, disons, relu par Borges, et on voit que la signification de chaque mot est différente. Parce que le contexte où on aborde ce texte est devenu différent, alors on peut jouer avec les anachronismes, etc. Mais là, c'était disons, cet élément un peu polémique pour continuer la discussion que j'ai depuis longtemps avec mon ami Roger Chartier. Je pense qu'il faut souligner aussi cet élément ironique dans le texte de Borges où il dit Pierre Ménard, ce littérateur post-symboliste, etc., maniait l'espagnol d'une façon un peu incertaine, etc., tandis que Cervantes le maniait avec aisance, etc., etc. Et alors j'ai dit, derrière la duplication, il y a, disons, le passé, derrière la duplicité, il y a les vrais. Et à mon avis, ce mot vrai, il faut le prononcer, et je le dis toujours, sans guillemets. Parce que il s'agit d'une vérité humaine, donc fallible, en principe falsifiable, mais on peut et on doit parler de vérité, parce que l'enjeu sérieux, c'est simplement celui-là. Et c'est la question de la vérité. Exactement. Qui est au cœur du travail de l'historien. Tout à fait. Merci Carlo Ginzburg. Merci. France Culture. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Deuxième partie de la fabrique de l'histoire de ce matin avec Roger Chartier. Bonjour Roger Chartier. Bonjour. On vous a longtemps entendu jusqu'à l'année dernière dans les lundis de l'histoire et on est très heureux de vous recevoir pour le dernier ouvrage avec Séverine Yattard. Bonjour Séverine. Bonjour. Pour le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître chez Folio Gallimard en poche, donc qui s'intitule La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, qui va nous permettre d'ouvrir la semaine que nous consacrons à l'histoire de l'imprimerie avec Séverine Yattard. Demain nous parlerons des imprimeurs de presse et en particulier du Parisien, mercredi du musée de l'imprimerie de Lyon et jeudi nous traiterons des mazarinades et vous avez rassemblé dans ce petit livre, ce poche très pratique, beaucoup des articles qu'on avait du mal à trouver auparavant autour de cette notion et d'auteur et d'imprimeur. Ça s'appelle « La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur » et c'est un chiasme en fait, une figure de style, Roger Chartier. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? D'abord pour l'esprit de l'imprimeur, pour montrer que dans les tâches apparemment les plus techniques ou les plus matérielles, il y a toujours de l'entendement qui est impliqué, des décisions, il y a des références. Et donc du coup, que ce soit l'imprimeur au sens du maître imprimeur qui organise le travail dans son atelier, parfois comme c'était le cas au XVIe siècle, il est en même temps l'éditeur des textes, ou que ce soit l'ouvrier typographe qui compose avec les caractères mobiles texte, il n'y a rien là, ni de purement technique, ni de purement mécanique, mais chaque fois que l'exercice d'une intelligence. Et inversement, on peut dire que la main de l'auteur renvoie à ce qu'il y a de matériel ou de corporel ou de physique dans l'acte d'écriture. Bien sûr, d'abord, l'auteur, sauf s'il dicte, face à la page blanche, quelle qu'elle soit, ou bien encore plus à partir du XVIIIe siècle, lorsque la main de l'auteur au sens des manuscrits autographes va devenir le garant de l'authenticité et de l'originalité de l'œuvre. Et donc du coup, ce chiasme, on attendait peut-être la main de l'imprimeur et l'esprit de l'auteur, mais je pense que montrer l'intelligence dans les choses matérielles et de montrer la matérialité dans les choses intellectuelles est un projet intéressant, j'espère. Alors, justement, c'est extrêmement intéressant et ça rentre parfaitement dans notre proposition de travailler autour de cette histoire de l'imprimerie parce que vous nous y expliquez et vous insistez là-dessus, Roger Chartier, que l'invention de l'imprimerie n'arrête évidemment pas tous les modes de propagation du savoir, de la connaissance et de la littérature qui lui a la précédé, et que au bout du compte, vous expliquez comment cheminent ensemble les écrits autographes, mais également donc les écrits passés par les mains de l'imprimeur et imprimés, et que il ne faut pas imaginer comme une rupture brutale l'arrivée de l'imprimerie changeant totalement les modes de transmission du savoir et de la connaissance. Roger Chartier. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que Gutenberg n'invente pas le livre, mais il invente une technique pour reproduire les textes et la forme du livre que l'on appelle codex, c'est-à-dire le livre qui sont encore pour partie les nôtres, avec des cahiers, des feuillets, des pages, une reliure. Ça date du 3e, 4e siècle. Voilà, donc il y a là une première continuité. Mmh. Et souvent, on a attribué à la technique de l'imprimerie des éléments, par exemple, la construction des index, la possibilité des renvois qui sont liés directement à cette forme du livre et pas à la technique de reproduction des textes. Une autre raison est le fait que la publication manuscrite continue à l'âge de l'imprimé. On sait bien que la communication manuscrite continue. On écrit des mémoires, on écrit des documents administratifs, on écrit des lettres. Mais plus intéressant, plus important est le fait que pour certains genres, par exemple les recueils de poésie, les partitions musicales, une certaine littérature politique polémique, vous allez parler des Mazarinades, mm-hmm. se poursuit l'idée d'une publication manuscrite, y compris pour la presse. Et les gazettes manuscrites sont au XVIIIe siècle produites par des formes d'ateliers de copistes qui sont assez proches de ce que sont des ateliers d'imprimerie. Séverine Yatta. Et vous donnez beaucoup d'importance, Roger Chartier, vous l'expliquez dès le début, à l'œuvre littéraire, c'est-à-dire comment cette œuvre littéraire est aussi source d'histoire, et vous essayez aussi de voir comment l'historien peut se positionner par rapport à la fiction, qui est une problématique qui est toujours présente. Oui, je pense que c'est une autre perspective du livre, c'est-à-dire le fait que il est peut-être bon de saisir la culture écrite en son entier, les pratiques ou les productions de cette culture écrite, sans une séparation, comme on vient de le dire, entre imprimé et manuscrit, rigide, ou sans une séparation a posteriori sur des catégories qui opposeraient la littérature à ce qu'elle n'est pas. Un des thèmes du livre, c'est d'essayer de montrer que la littérature, dans notre sens, naît au XVIIIe siècle. Je parlais de la main de l'imprimeur en serait la trace. Mm-hmm. Avant le XVIIIe siècle, vous n'avez aucun, ou pratiquement aucun manuscrit, ce que nous appellerions littéraire, conservé. Donc, pourquoi il se conserve? C'est parce qu'à partir de ce moment-là, naît une idée de littérature, originalité de l'œuvre, singularité de l'écriture, propriété intellectuelle de l'auteur. La notion d'auteur aussi. Oui, et une certaine forme de naissance de l'auteur. Et donc, du coup, vous avez une entrée en littérature. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des textes de fiction préalablement, mais que ces textes de fiction sont peut-être à traiter dans des continuités avec des textes qui ne sont pas de fiction plus fortes qu'on ne l'a pensé. Et de là, effectivement, une réflexion sur parfois comment les mêmes pratiques d'écriture pourraient se rencontrer dans des documents ordinaires et dans des manuscrits littéraires. C'est le cas avec Pétrarque. Puis dans ce cas-là, on a des manuscrits parce que Pétrarque voulait être le copiste de lui-même. Il pensait que les scribes déformaient ses œuvres et que la meilleure manière de réagir contre ça, c'était de multiplier les copies originales autographes, si on peut se permettre cette contradiction dans les termes. Alors, ce qui est tout à fait passionnant à vous lire dans La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, qui rassemble beaucoup de textes de vous, Roger Chartier, autour de ces questions d'écriture en particulier, c'est que vous notez aussi que l'invention de l'imprimerie ne laisse une place à l'écrit. C'est-à-dire que on a beau imprimer des livres, donc changer le mode de transmission d'une certaine façon, eh bien on va se débrouiller très rapidement pour créer dans ces livres des larges marges qui permettront les annotations, pour faire des interlignages qui permettront là aussi les annotations, et qu'il y a dans la construction même de l'objet imprimé qu'est le livre à partir de l'invention de Gutenberg, la place laissée à la possibilité, à la main du commentateur ou du lecteur de s'exprimer dans le livre. Oui, là, un de mes amis et collègues américains, Peter Stalibras, a cette formule un peu provocante qui est de penser qu'un des effets de l'invention de l'imprimé est d'avoir multiplié l'écriture à la main. et pour différentes raisons, celles que vous venez de signaler. C'est-à-dire que d'une part, il faut pas oublier que l'imprimerie, c'est pas imprimer forcément des livres. Il y a beaucoup d'imprimeries qui n'ont jamais imprimé le moindre livre, mais qui imprimaient des documents de tous ordres. pour les autorités administratives, religieuses, scolaires. Des images aussi. Et des images. Avec une nuance, c'est que lorsqu'il s'agit d'images sur cuivre en taille douce, c'est une imprimerie différente de celle de l'imprimerie des caractères typographiques. Mais les formulaires, et c'est là où l'incitation à l'écriture est forte, c'est-à-dire que les indulgences, les billets de pèlerinage, des formulaires pour le commerce, tout suppose, j'avais étudié dans le passé des chartes de mariage, tout suppose que des blancs soient laissés dans la composition typographique et que l'écriture manuscrite s'y dépose. Alors, il y a cette première raison. Une autre raison, c'est effectivement, comme on l'a vu, la publication manuscrite à l'âge de l'imprimé et le fait que les lecteurs entrant en écriture écrivent dans les livres. Ce que vous évoquez, qui a été une source très précieuse pour une histoire de la lecture, puisque comment reconstituer des lectures de lecteurs du passé, telles différentes tactiques sont possibles, mais l'une importante, intéressante, c'est de repérer les annotations marginales, qui ont en elles-mêmes une histoire, puisqu'à la Renaissance, on le fait pour pouvoir repérer les textes qu'on veut extraire, que l'on va redistribuer dans son cahier de lieux communs sous une forme de thématique, et qu'on va utiliser quand on écrit soi-même un texte. Alors que à l'époque du, disons, romantique, et jusqu'à aujourd'hui, on a des annotations qui sont beaucoup plus des réactions subjectives au texte, jusqu'à ces livres des bibliothèques universitaires où les étudiants écrivent stupide, imbécile, idiot. Ou les points d'exclamation dans les livres des professeurs. C'est vrai, Ignata. Alors moi, j'ai lu votre chapitre sur la question de la traduction, qui parle donc à la fois de la diffusion et à la fois aussi de l'auteur, entre autres, hein, c'est-à-dire comment se traduisent ces œuvres, notamment littéraires espagnoles. Alors vous expliquez, ça se fait assez rapidement. Quelle est la position du traducteur, auteur, il réécrit, il copie, quel est son statut? Enfin, toutes ces problématiques qui disent aussi la question de l'imprimerie à cette époque. En particulier l'ASCAS, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Vous avez raison, l'histoire des traductions est un sujet important qui est beaucoup travaillé aujourd'hui, parce que c'est évidemment un des moyens de percevoir la mobilité des œuvres entre les langues, bien que ça va de soi, mais aussi entre des horizons d'attente ou entre parfois des gens. Alors j'ai étudié dans ce livre, puis dans un autre qui a été publié en même temps chez Garniel, des cas de traduction particulièrement spectaculaires. Le cas de Las Casas, qui était le grand livre qui a nourri c'est une brochure, on dirait aujourd'hui, qui a nourri la légende noire anti-espagnole, dénonçant les cruautés, les tyrannies des Espagnols aux Indes, est un livre qui a sûrement été parmi les plus traduits dans l'Europe des 16e, 18e siècle. Et en étudiant chacune des traductions, on voit très bien, et non seulement la traduction du texte, mais aussi les préliminaires, qui la contextualisent, comment le même texte peut être réutilisé, puisque tous les adversaires de l'Espagne, ou tous ceux qui s'en estiment victimes, peuvent devenir les Indiens. Ce qui est tout à fait passionnant dans votre travail, Roger Chartier, c'est que vous ne vous intéressez pas simplement à ce qu'on pourrait appeler le corps du texte, mais vous prenez évidemment, comme toujours dans votre travail, le livre dans son entièreté, sa reliure, la façon dont il est présenté, mais aussi ses chapitres préliminaires, ou ses préliminaires, pourrait-on dire, au texte de l'auteur, les frontispices, les adresses, les privilèges du roi, etc. Et que vous nous dites, cela a autant, sinon plus d'importance, parfois, non, pour les contemporains, parce qu'effectivement, cela dit, si on est dans la ligne de ce que veut le roi, par exemple, si on a obtenu les privilèges nécessaires, si on, d'une certaine façon, cette œuvre est subversive, ou si elle ne l'est pas, en l'occurrence. Oui. Ne poussons pas trop loin l'argument pour ne pas effrayer les défenseurs du texte. Mais je pense que ce qui est important, c'est de considérer qu'un livre est plus qu'un livre. Je veux dire que nous, on parle d'un livre en parlant d'une œuvre. On dit le livre d'Umberto Eco, le livre de Rabelais, etc. Mais le livre matériel dans lequel s'inscrit cette œuvre est plus, comme vous venez de le rappeler, que l'œuvre elle-même, puisqu'il y a à la fois des éléments textuels qui ne sont pas dans l'œuvre, mais qui sont les préliminaires à l'œuvre, ce qui conduit à l'œuvre, et qui peuvent avoir toutes les significations esthétiques, politiques, liées au commerce du livre que vous avez rappelé. Et d'autre part, il y a des éléments signifiants dans le livre comme objet qui ne sont pas strictement de l'ordre du textuel, mais qui sont le choix d'une mise en page, le choix d'un caractère typographique, par exemple au 16e siècle, vous pouvez décider d'imprimer en romain, en italique ou en gothique. Mm-hmm. Et chaque choix a une signification nationale, d'idée de réception. Donc, tous ces éléments qui sont purement matériels et formels, en fait, affectent le sens. Et donc apparaissent important aux contemporains et aujourd'hui pourrait, d'une certaine façon, si on n'y regardait pas de plus près comme vous le faites, passer inaperçu, parce qu'on se dirait, ben oui, ils ont choisi tel ou tel caractère, ça n'est pas si grave que cela. Au bout du compte, il y a du sens là-dedans, Roger Chartier. Ben, je le crois, et c'est là où effectivement la tension existe entre le fait de d'avoir dans nos esprits, dans nos perceptions, l'idée d'une œuvre qui est une œuvre presque immatérielle, qui serait toujours identique à elle-même, indépendamment de ses formes d'inscription. Et c'est une réalité, c'est la réalité du copyright. C'est la réalité qui fait que si je dis Don Quichotte, il y a un minimum d'accord pour qu'on sache ce qu'est Don Quichotte. Mmh. Et en même temps, personne n'a jamais rencontré ses œuvres dans cet état immatériel, toujours dans une forme particulière d'inscription, de publication ou parfois même de représentation. Je me suis beaucoup intéressé à cette mobilité des genres, c'est-à-dire quand un roman devient du théâtre. C'est le cas donc dans les livres consacrés à Don Quichotte et Shakespeare, mais aussi ici dans un cas d'une adaptation par un auteur portugais, et en fait brésilien, mais qui a été transféré au Portugal avec sa famille jugée par l'Inquisition, donc qui adapte la seconde partie de Don Quichotte pour le théâtre des marionnettes à Lisbonne. Ce qui est passionnant aussi, c'est que dans ces premiers siècles d'imprimerie sur lesquels vous avez travaillé, il y a aussi la naissance, disons, de certains clichés, en particulier sur le libraire-imprimeur. Vous nous expliquez très bien que l'auteur, celui qui veut que son œuvre soit respectée, va commencer très rapidement à dire de toute façon, on sait très bien que ce sont des voleurs, on sait très bien que ce sont des gens, ces libraires-imprimeurs qui impriment en douce un certain nombre d'exemplaires qui vont vendre de leur côté alors que théoriquement c'est à moi de le vendre, etc., etc. Et vous nous expliquez bien qu'il y a là une naissance assez rapide de certains poncifs, pourrait-on dire, sur ces métiers de l'imprimerie. Il y a une légende noire de l'imprimerie, on a souvent insisté sur la célébration très tôt de l'invention de Gutenberg, mais en même temps il y a cette idée d'une triple corruption, les textes sont corrompus par ceux qui les composent typographiquement et qui sont des ignorants, les textes sont corrompus parce que le commerce du livre s'est substitué au commerce des lettres, et donc du coup l'avidité, le profit, la cupidité, les contrefaçons se multiplient, et aussi parce que, très important, la corruption par des lecteurs ignorants, qui ne sont pas capables de comprendre les textes et leur donnent des interprétations hétérodoxes, et c'est très important pour la Bible en vulgaire. Bien sûr. Puisque les traductions de Luther de la Bible en vulgaire, ils se rendent compte qu'il y a une appropriation immédiate pour la guerre des chevaliers, la guerre des pays. Donc il fait un mouvement en arrière et la Bible devient le livre des pasteurs et médiatisé comme dans le catholicisme par la parole du clerc. Mmh. Et donc on a cette triple corruption qui définit ce que vous dites, c'est-à-dire une vision noire du monde de la librairie et de l'imprimerie et dans son rôle de Mais est-ce que ça ne dit pas le pouvoir justement, Roger Chartier, ou la crainte d'un pouvoir qui serait excessif du côté justement des imprimeurs? Ben oui, c'est la crainte. Il y a une crainte aussi généralement de l'imprimerie. Il y a eu un moment au XVIe siècle en France où c'était l'idée de l'interdiction de l'imprimerie qui avait été discutée. Pendant 10 ans dans l'Espagne du siècle d'or, il y a eu une interdiction formelle de publier des comédias, donc des pièces de théâtre et des romans. Parce que c'est l'idée de la corruption. Alors là, c'est plutôt l'idée du côté du pouvoir que c'est un danger potentiel. Mais bien peut-être sûr. Circulation de textes hostiles au pouvoir, mais aussi corruption du lecteur. Pourquoi interdire les théâtres ou interdire le roman? C'était parce qu'il y avait cette idée d'une transmission de l'immoralité à travers la circulation démultipliée des textes. Parce que bien sûr, on a essayé de montrer ici avec vous que l'imprimerie n'est pas la révolution radicale. Elle est absolue qu'on pense souvent, mais néanmoins il est bien certain qu'elle a favorisé la multiplication de la circulation des textes. Plus de textes pour le même lecteur et plus de lecteurs pour un même texte. Alors tout de même, il y a cette méfiance vis-à-vis de l'imprimeur, parce qu'aussi l'auteur qui va naître progressivement tout au long de ces siècles jusqu'au XVIIIe siècle, cet auteur s'aperçoit qu'il n'a pas la maîtrise complète de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il est obligé aussi désormais de déléguer à d'autres le soin de mettre en forme son travail. Et que, certes, on pouvait le déléguer auparavant à des copistes, mais on pouvait avoir l'œil sur le copiste en question. Là, en l'occurrence, ça se passe dans des endroits industriels, proto-industriels. Et il y a des correcteurs, il y a des compositeurs, et tout cela, on ne le maîtrise pas forcément lorsqu'on est un auteur, en l'occurrence. Alors, je crois que ce serait un sujet très intéressant de voir la conscience typographique variable des auteurs, parce que pour beaucoup d'auteurs, c'est une situation normale. Ils anticipaient un peu notre vision l'indivision immatérielle du texte, ils ont leur œuvre, finalement on délègue à un travail mécanique, l'établissement du texte pour la censure avec un copiste, et ensuite la publication avec le travail des compositeurs, que sont les typographes du 19e siècle. D'autres auteurs sont sensibles au fait qu'on peut produire des effets, ou que des effets sont produits par des décisions de type matériel, sont plus près du contrôle. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à un sujet comme la ponctuation. Oui. Parce que c'est un cas typique dans lequel, normalement, on délègue la ponctuation au copy-éditeur, à celui qui établit le texte, et puis ensuite au compositeur-typographe. Mais pour certains auteurs, on produit des effets avec la ponctuation. Et donc, du coup, il faut la contrôler très, très de près. Et d'ailleurs, vous expliquez que lorsqu'un texte, on a la chance d'en avoir une version manuscrite avant sa version imprimée, ça n'est pas forcément la version de l'auteur, puisque c'est souvent la version d'un copiste à qui on a confié le soin de copier le texte, de le montrer à la censure royale, par exemple. Et c'est ce texte-là qui va dans l'atelier d'imprimerie pour être à son tour préparé par le copy-éditeur, l'éditeur, comme dire au sens technique, et qui va donc être donné aux ouvriers typographes qui vont eux-mêmes y introduire parfois des erreurs et quelques autres fois leurs propres habitudes de ponctuation ou de graphie. Et donc c'est pour détruire l'illusion. On pense qu'un auteur écrit un texte et qu'un lecteur lit ce texte. Voilà l'illusion. Entre ce moment de l'écriture de la main de l'auteur et puis l'œil du lecteur face à la page imprimée, il y a cette série de ce travail collectif, quoi. De lieux, de trahison. Alors, de trahison, ou parfois d'amélioration. Vous continuez à y travailler, à cette question Mais je travaille surtout sur le problème de cette mobilité, la mobilité des textes. Parce que je crois que c'est tout à fait important. Alors, on a évoqué avec le problème de la traduction. Récemment, j'avais travaillé sur un autre grand texte du XVIe siècle, qui est le livre du courtisan de Castiglione, qui a été presque autant traduit que Las Casas. Je travaille aussi beaucoup sur les adaptations des textes hors les textes. C'est-à-dire comme... évidemment, il y a quand même aussi cette question qui est qu'on connaît des textes parfois sans les avoir jamais lus. Et parce qu'ils existent incarnés dans des adaptations théâtrales, dans des représentations par des personnages qui incarnent les héros à travers des circulations d'estampes. Et je pense que c'est un sujet très important, à la fois pour Don Quichotte, cela va de soi, et pour la littérature du XVIIIe siècle, lorsque les fictions sortent de leurs propres pages. Merci Roger Chartier d'être venu nous présenter ce livre donc qui est inédit puisque ce sont des articles qu'on a du mal à trouver dans des revues savantes rassemblés chez Folio Histoire sous le titre La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur. Ça nous permet d'aller plus loin aussi dans la semaine que nous allons consacrer à la question de l'imprimerie. Demain, vous allez nous parler d'une grève très récente, c'était celle il y a 40 ans, des imprimeurs et des journalistes du Parisien, surtout les gens du syndicat du livre. Alors une grève qui a duré très longtemps, puisqu'elle a duré 28 mois au Parisien, et qui est assez exemplaire parce que cette grève a tenu par une sorte de solidarité en fait de tous les ouvriers du livre. Alors c'est un moment un petit peu particulier, hein, charnière de ces années 70, des grosses entreprises de presse qui se modernisent, donc évidemment certains métiers qui vont disparaître, mais on comprend aussi à travers ce documentaire qu'il y a un patron, en l'occurrence Amaury, patron du Parisien entre autres, mais pas seulement, et il va y avoir une partie de bras de fer entre ce patron qui veut changer certaines conventions des ouvriers du livre et puis ces ouvriers qui, eux, veulent garder certains droits et certains leur métier, même s'ils sont prêts à la négociation, même s'ils sont prêts au changement. Un extrait de votre documentaire qu'on écoutera demain. On a cessé tout au long du conflit, qui a quand même duré 30 mois, de réclamer des négociations, des négociations, des négociations. C'était vraiment le leitmotiv des ouvriers à ce moment-là. On voulait négocier. Et Amaury, apparemment, ne voulait pas négocier. Très entêté, l'homme mégalomane, enfin... Il voulait en fait tout simplement la destruction du syndicat du livre, quoi. C'était son éradication pure et simple. C'est une guerre à épisodes. Le groupe de presse Amaury supporte mal les contraintes que lui impose le syndicat des travailleurs parisiens du livre. D'un autre côté, ce syndicat ne veut pas revenir sur des conventions qui ont été établies il y a déjà des années. Les grands mots sont lâchés, tous les coups sont portés. édition parallèle par la direction, limitation du tirage de la seule édition du Parisien continuant à paraître par les syndicats. Actuellement, l'imprimerie est occupée, elle ne tourne pas, les ouvriers ne sont pas payés, mais ils ne sont pas licenciés non plus. La direction estime qu'elle n'a pas à le faire, n'ayant pas le libre choix de l'embauche. Elle estime aussi que c'est toute une organisation du travail qu'il faut revoir. La situation paraît bloquée. Les syndicats ne peuvent guère reculer et accepter de modifier leurs conditions de travail. S'ils cèdent aux Parisiens libérés, ils risquent de devoir le faire ailleurs dans d'autres entreprises de presse. La force même du syndicat du livre risquerait de diminuer. Ça a été l'engrenage. Il y avait une roto qui s'installait à Amiens. On est allé à Amiens pour démonter la roto. On a stoppé cette opération. Et ça venait de partout. Il était imprimé en Belgique. Après, il sortait à Chartres. Après, Saint-Ouen. Alors, Saint-Ouen s'était gardé jour et nuit par la police. Alors là, les maîtres chiens, la police, c'était un bunker, mais il a continué ailleurs, partout où il pouvait. Et donc, il a recommencé mais seulement son circuit parallèle, il était complètement pourchassé et démantelé. Et vous avez mené, vous aussi, Gérard Poulain, parce qu'il y avait des opérations plus médiatiques. Faites allusion aux occupations de monuments, des choses comme ça. Oui, ça m'arrive aussi, oui. L'un des premiers, ça a été l'occupation de Notre-Dame. Alors, on est monté là-haut, on a dépouillé sur les tours et tout. Il y a même quelques camarades qui avaient le vertige, on n'était pas très à l'aise. Et puis, on a pu quand même rester un certain temps, avec nos banderoles dépouillées. On a subi les foudres de l'archevêché, naturellement, ça c'était prévisible. Et puis, jusqu'à ce que la police, elle aussi, intervienne. Ils n'étaient pas loin. Notre-Dame, il y a juste la préfecture de police qui est juste à côté. Alors, ils sont montés par les escaliers. Bon, puis tout le monde est redescendu dans le bon ordre. Puis voilà. Après, il y a eu la porte Saint-Denis, on a fait la même chose. Il y a eu Montmartre aussi, une autre fois. Pareil, on est monté jusqu'en haut, on a déployé les banderoles. Négociation, toujours négociation, c'était le leitmotiv. Négociation aux Parisiens libérés, on ne voulait que négocier. C'était vraiment ce qu'on voulait. Voilà, nous écouterons demain ce documentaire que vous avez réalisé avec Anne Fleury, Séverine Yatar. Mercredi, vous vous promènerez dans le tout nouveau, rénové musée de l'imprimerie et de la communication graphique, de la communication graphique, c'est important. C'est aussi de nouvelles salles qui actualisent un petit peu ces problématiques d'histoire de l'imprimerie, bien sûr, à Lyon. On vous suivra donc mercredi. Et puis jeudi, nous débattrons des Mazarinades et également de tous ces libelles qui paraissaient à l'occasion, justement, de ces conflits. Merci à vous, Séverine Yatar. Merci à vous, Roger Chartier. Je suis très heureux de vous avoir reçu dans une émission dans laquelle la première partie était composée avec un de vos grands amis, Carlo Ginzburg. Merci, en tous les cas, d'être venu à la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Jean-Louis Deloncle et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.